بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. Au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Peut-être un jour les mécréants souhaiteront-ils avoir été musulmans. Laisse-les festoyer et s'adonner au plaisir de la vie, et laisse-les se leurrer par de faux espoirs. Ils sauront bien assez vite. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Et nous n'avons jamais détruit une cité sans qu'un terme lui eût été fixé. Aucune communauté ne peut hâter ni déférer son terme. Ils disent « Ô toi qui le rappel a été révélé, tu es certainement fou. Pourquoi ne nous amènes-tu pas des anges si tu es du nombre des véridiques ? Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, alors il ne sera plus accordé de répit aux mécréants. En vérité, c'est nous qui t'avons révélé le rappel. Certes, nous le garderons contre toute altération. » ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi parmi les compagnies des anciens. Pas un messager n'est venu à eux sans qu'ils ne s'en moquent. C'est ainsi que nous faisons pénétrer l'incroyance dans le cœur des coupables. Ils ne croiront pas, en dépit de l'exemple des anciens. Même si nous leur ouvrions une porte du ciel et qu'ils pussent y monter à tout moment, ils diraient « Ce n'est qu'une hallucination, ou peut-être sommes-nous ensorcelés ». ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. Nous avons certes établi dans le ciel des constellations d'étoiles. Et nous l'avons embelli pour ses spectateurs. Nous l'avons protégé contre tout diable banni. Si l'un d'eux parvient à écouter subrepticement, une flamme brillante le poursuit aussitôt. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. Quant à la terre, nous l'avons étalée, y avons implanté des montagnes fermes et immobiles, y avons fait pousser toute espèce de façon équilibrée. Nous l'avons dotée de moyens de subsistance pour vous et pour d'autres créatures que vous n'êtes pas tenus de nourrir. Il n'est rien dont nous n'ayons les réserves, mais nous ne les faisons descendre qu'en quantité mesurée. Nous envoyons les vents fécondants et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons et que vous-même ne sauriez retenir dans le sol. C'est bien nous qui donnons la vie et la mort, et c'est nous seuls qui hériterons de l'univers. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. Nous connaissons certes ceux qui vous ont précédés, tout comme ceux qui viendront plus tard. Certes, c'est ton Seigneur qui les rassemblera, car il est le sage, l'omniscient. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Nous avons certes créé l'homme d'un argile sonore, extraite d'une boue malléable. Quant aux djinns, nous les avions créés auparavant d'un feu, d'une chaleur ardente. Lorsque ton Seigneur dit aux anges: je vais créer un homme à partir d'argile sonore, extraite d'une boue malléable. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous prosterné devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception d'Iblis, qui refusa d'être de ceux qui se prosternent. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Alors Dieu dit: ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit: je ne suis pas tel à me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile sonore, extrait d'une boue malléable. Dieu dit: alors sors d'ici, car te voilà banni. La malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. Iblis dit: mon Seigneur, accorde-moi un répit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit: tu es de ceux à qui un sursis est accordé, jusqu'à un terme fixé. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إبليس dit Mon Seigneur, parce que tu m'as égaré, je leur enjoliverai la mauvaise voie sur terre, et je les égarerai tous, à l'exception de ceux qui sont tes dévoués serviteurs. Dieu dit, voici la voie droite qui mène vers moi. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم Sur mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir, sauf sur ceux qui te suivront parmi les dévoyés. L'enfer sera sûrement leur demeure promise à tous. Il a sept portes, et chacune d'elles recevra sa part de damnés. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين Certes, les pieux seront dans des jardins baignés de sources. Entrez-y en paix et en sécurité. Nous aurons enlevé toute rancune de leur cœur. Ils se sentiront comme des frères et seront assis face à face sur des sofas surélevés. Là, nulle fatigue ne les touchera. Et jamais ils n'en seront expulsés. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون Dis à mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est certes douloureux. Informe-les au sujet des hôtes d'Abraham. Quand ils entrèrent chez lui et dirent « Paix », il dit « Nous avons peur de vous ». Ils dirent « N'aie pas peur, nous t'apportons la bonne nouvelle de la naissance d'un garçon plein de sagesse ». Il dit « M'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a rattrapé ? De quoi parlez-vous donc ?» Ils dirent « Nous t'annonçons cette bonne nouvelle en toute vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent ». Il dit, mais qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés? أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين Il leur dit, que voulez-vous, ô messager de Dieu? Ils dirent, nous sommes envoyés un peuple corrompu, à l'exclusion de la famille de Lot, qui sera épargnée. Nous les sauverons tous, sauf sa femme. Nous avions en effet décrété qu'elle serait de ceux qui allaient rester en arrière. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. Puis, lorsque les messagers vinrent trouver la famille de Lot, celui-ci dit : Vous m'êtes totalement inconnu. Ils dirent : Nous sommes venus à toi afin d'accomplir ce au sujet de quoi ils entretiennent des doutes. Nous venons à toi avec la vérité et nous sommes véridiques. Pars donc avec ta famille vers la fin de la nuit et suis leurs arrières. Que nul d'entre vous ne se retourne et allez là où on vous le commande. Nous lui révélâmes qu'au matin, ce peuple serait anéanti jusqu'au dernier. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي Les habitants de la ville, Sodome, accoururent, se réjouissant de l'arrivée de nouveaux hommes. Il dit : Voici mes invités, ne me déshonorez pas. Craignez Dieu et ne me faites pas honte. Ils dirent : Ne t'avions-nous pas interdit de recevoir des gens ? Il dit : Voici mes filles, épousez-les si la chair vous tente à ce point. لعمك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Par ta vie, Mohammed, ils erraient aveuglément dans leur délire. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Puis au lever du soleil, le terrible cri les saisit. Nous renversâmes la ville de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile. Voilà vraiment des signes pour ceux qui savent observer. Cette ville se trouvait sur un chemin passant, connu de tous. Voilà vraiment un signe pour les croyants. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Les habitants des bois étaient non moins injustes. Nous nous sommes donc vengés d'eux à l'instar des habitants de l'autre cité. Ces deux cités étaient situées sur une grande route et leurs ruines sont encore bien visibles. Les habitants d'Al-Hijr ont certes rejeté nos messagers. Nous leur avons envoyé nos miracles, mais ils s'en sont détournés. Ils creusaient des maisons à même les montagnes où ils vivaient en sécurité. Mais le terrible cri les saisit au lever du jour et ils ne profitèrent donc jamais de ce qu'ils avaient acquis. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ. Nous n'avons créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve entre les deux qu'en toute vérité. L'heure arrivera certainement. Alors pardonne-leur donc, ô Mohammed, d'un charitable pardon. Certes, c'est ton Seigneur le Maître Créateur, l'Omniscient. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. Nous t'avons donné les 7 versets que l'on répète fréquemment, ainsi que le sublime Coran. Ne porte pas des regards éblouis vers les choses dont nous avons donné jouissance temporaire à certains couples d'entre eux. Ne t'afflige pas à leur sujet et sois doux et bienveillant envers les croyants. Dis, certes, je suis un avertisseur évident. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Comme celui que nous avons fait descendre à ceux qui ont créé des divisions, ceux qui ont fragmenté le Coran en plusieurs parties, ceux-là, par ton Seigneur, nous les interrogerons tous au sujet de ce qu'ils œuvraient. Proclame donc ouvertement ce qui t'a été commandé et détourne-toi des associateurs. Inna kafaynaka al-mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'a Allah ilahan akhar. Nous te suffisons certes contre les railleurs qui associent à Dieu une autre divinité, mais ils sauront bientôt. Nous savons parfaitement que parfois ton cœur se serre à cause de ce qu'ils disent. Mais glorifie ton Seigneur et sois de ceux qui se prosternent devant lui. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude de la mort.